La Corée accorde de l'importance au service des informations et au cours des sciences techniques au Palais des études du peuple. Ce centre des études a renouvelé cette année de la science et de l'enseignement plus de 174 000 données scientifiques et techniques dernier cri et traduit de nombreux livres en langues étrangères. Il a établi le système impeccable de transfert rapide des informations aux bibliothèques de toutes les régions du pays et celles de vulgarisation des sciences et techniques des usines et entreprises et leur offre nombre de données nécessaires. Les télécours au système de dialogue en temps réel déjà installé permettent aux cadres et autres travailleurs d'accumuler rapidement les sciences et techniques avancées et de régler les problèmes posés dans la pratique. Alors que l'intérêt social s'accroît pour les cours scientifiques et techniques sur le courant du développement mondial technoscientifique et les connaissances de pointe de divers secteurs, les conférences thématiques et les cours d'information de nouvelles techniques, le nombre des personnes pour le recyclage a environ triplé par rapport à la même période de l'année dernière.